un petit bébé, ne finis pas la vie. Voilà mon frère, prenez la balle. Jean-Pascal Mongo, baila, baila. Bienvenue au Royal. Vous allez s'abaliser.